Les deux derniers textes de Chateaubriand que je vais vous lire sont extraits de ses mémoires d'outre-tombe, dont il commença la rédaction vers 1809 et auxquels il travailla jusqu'à la veille de sa mort en 1848. Voici d'abord une présentation de sa sœur Lucille, de 4 ans, son aînée, dans le sombre château familial de Combourg, en Bretagne. Lucille avait alors 20 ans. Lucille était grande et d'une beauté remarquable, mais sérieuse. Son visage pâle était accompagné de longs cheveux noirs. Elle attachait souvent au ciel ou promenait autour d'elle des regards pleins de tristesse ou de feu. Sa démarche, sa voix, son sourire, sa physionomie avaient quelque chose de rêveur et de souffrant. Lucille et moi, nous nous étions inutiles. Quand nous parlions du monde, c'était celui que nous portions au-dedans de nous et qui ressemblait bien peu au monde véritable. Elle voyait en moi son protecteur. Je voyais en elle mon ami. Il lui prenait des accès de pensée noire que j'avais peine à dissiper. À 17 ans, elle déplorait la perte de ses jeunes années. Elle se voulait ensevelir dans un cloître. Tout lui était souci, chagrin, blessure. Une expression qu'elle cherchait, une chimère qu'elle s'était faite, la tourmentait des mois entiers. Je l'ai souvent vue, un bras jeté sur sa tête, rêver, immobile et inanimé. Retirée vers son cœur, sa vie cessait de paraître dehors. Son sein même ne se soulevait plus. Par son attitude, sa mélancolie, sa vénusté, elle ressemblait à un génie funèbre. J'essayais alors de la consoler, et l'instant d'après, je m'abîmais dans des désespoirs inexplicables. Lucie aimait à faire seule, vers le soir, quelques lectures pieuses. Son oratoire de prédilection était l'embranchement de deux routes champêtres, marquées par une croix de pierre et par un peuplier dont le long style s'élevait dans le ciel comme un pinceau. Ma dévote mère, toute charmée, disait que sa fille lui représentait une chrétienne de la primitive église, priant à ses stations, appelée l'or. De la concentration de l'âme naissaient chez ma sœur des effets d'esprit extraordinaires. Endormie, elle avait des songes prophétiques. Éveillée, elle semblait lire dans l'avenir. Sur un palier de l'escalier de la grande tour battait une pendule qui sonnait le temps au silence. Lucille, dans ses insomnies, s'allait asseoir sur une marche en face de cette pendule. Elle regardait le cadran à la lueur de sa lampe posée à terre. Lorsque les deux aiguilles, unies à minuit, enfantaient dans leur conjonction formidable l'heure des désastres et des crimes. Lucille entendait des bruits qui lui révélaient des trépas lointains. Dans les bruyères de la Calédonie, Lucille eût été une femme céleste de Walter Scott, douée de la seconde vue. Dans les bruyères armoricaines, elle n'était qu'une solitaire, avantagée de beauté, de génie et de malheur.